Souvenir pour débuter cette première heure avec Joté Vanelli. Bonjour à vous tous, c'est Pascal Mancini sur Galaxy jusqu'à midi. Galaxy out of time. Thank you. Galaxy. Out of time. Out of time. We'll be right back. Morrissey. Save the rhythm. Save the rhythm. L'incontournable d'Afresh sur les platines avec Broken Dream. Restez bien calés. Tout à l'heure, on vous offrira des maxi, des vinyles. Tout à l'heure, dans une bonne demi-heure, les maxi de L'H2O avec Fred Hush. Ça sera à gagner. Il y aura aussi des invitations pour le week-end prochain pour aller dans le club de votre choix. L'Escape, le Bliss, le Captain, le Colosso, etc., etc. Ça sera aussi tout à l'heure. Mais voici tout de suite Stéphane Laroche pour les informations de proximité. Balfolk, ce samedi 21 avril, 21h, au centre socio-éducatif de Waterloo. Une belle soirée animée par le groupe Smitlap. Vieilles, cornemuses, accordéons et violons de ce groupe régional vous invitent à la danse. Plus d'infos, 0320 75 89 50. L'exposition Nord-Terre de création est à découvrir jusqu'au 1er juillet au musée des Beaux-Arts de Valenciennes. Retrouvez tous les chefs-d'œuvre des musées du Nord-Pas-de-Calais. Un voyage à travers les siècles de création et d'échanges artistiques entre les divers pays d'Europe. Renseignements, 0327 22 57 20. Petit carré deviendra cube, une exposition permanente inédite proposée toute cette année au Forum départemental des sciences de Villeneuve-d'Ascq. Éveillez le sens critique, développez l'esprit d'analyse des petits en jouant avec les formes et images qui leur sont familières. Tels sont les défis lancés aux 3-6 ans accompagnés de leurs parents. Durée de la visite, 1 heure environ. Uniquement sur réservation. Plus d'infos, 0320 19 36 36 ou sur le web forum-des-sciences.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. We'll be right back. Galaxy. Galaxy. Welcome to the world of music. Galaxy. Galaxy. Number one for news. For news. I never thought. Merci d'écouter Galaxy, merci de votre grande fidélité. Il est bientôt 11h, c'est Pascal Mancini et on est ensemble jusqu'à midi.

Galaxy. When dreams come true. time for house. l'instant, c'était Fred Hush, un extrait de sa compilation qui sortira au mois d'août, pour être précis, le 27 exactement. Avant de retrouver l'agenda, avant de retrouver Stéphane, voici tout de suite un morceau découvert sur les platines de Galaxy. C'est Justice Vessiman avec 9h Be Alone. We'll Justice, VS Iman avec 9h Violence, c'était une découverte Galaxy. On retrouve tout de suite Stéphane Laroche pour l'agenda de proximité. Journée porte ouverte au club Aviron Union Nautique de Lille, ce samedi 28 avril de 14 à 18h. Un sport de loisirs mais aussi de compétiteurs à découvrir en famille. La possibilité de monter dans les bateaux ou encore de découvrir les canaux et rivières de la région. Renseignements 03 20 92 10 98 ou sur www.aulne12r.org. A l'occasion des 10 ans du site d'action, la ville de Vervixeux recevra 20 artistes le samedi 28 avril 21h à l'espace 2000 pour une soirée exceptionnelle. Chanteurs du Nord et de Belgique, magiciens, sosies et transformistes pour plus de 2 heures de spectacle non-stop. Un événement organisé par l'association Mamselle Sophie à ne pas manquer. Info web mamsellesophie.com. 9e festival des arts de la rue Les Turbulentes les 28, 29, 30 avril et 1er mai à Vieux-Condé. Venez vibrer au rythme de cette grande fête qui réunira pendant 4 jours la compagnie Opposito pour les trottoirs de Jauberg à Mirage ou encore la compagnie Panopticum, un spectacle pyrotechnique venu de Corse. Sans oublier divers défilés, etc. Plus d'infos, Le Boulon. 03 27 20 35 40 ou sur leboulon.fr. Concert des adhérents spécial hip-hop dimanche 29 avril 16h à la boîte à musique de Waterloo. Carte blanche au groupe qui répète Alabama avec les groupes KN Clan, Damas, Lacrymo ou encore Alliance de Site. Entrée libre, renseignement 03 20 02 24 71. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Galaxy.

pratiquement midi, on vous souhaite bien sûr une excellente fin de matinée. Aux alentours de midi, vous pourrez retrouver Tom sur les platines. Il vient d'arriver dans les studios en forme pour une session house d'ici 5 à 6 minutes. Satisfaction. l'instant, pour terminer dans la joie et bonne humeur, Eric Laville avec Jim Siki pour refermer ce 10 midi. On va retrouver dans quelques instants Tom. Petite idée de sortie, n'oubliez pas, pour ce dimanche soir, comme d'habitude, le dimanche, ce dimanche 22 avril, à l'âge de zoo pour les fameuses soirées rétro concept avec Gucci. Et je vous rappelle que l'entrée est gratuite avant minuit. On vous souhaite bien sûr une excellente après-midi à l'écoute de nos programmes.